Salut à tous et bienvenue sur Nature Fan pour le Top 50 2017. Vous allez pouvoir écouter les meilleures chansons de l'année écoulée, réparties en 5 émissions, diffusées pendant 5 jours. On commence cette troisième partie par les 30e, 29e et 28e places qui sont occupées respectivement par Tiger Club de Los Angeles avec It's Only Love, Peach Pit de Vancouver avec 17 et Girls in Hawaii de Belgique avec This Light. Light. Oh baby, light. This only chemical reactions of breath. Now you're attached to baby life. It's turned out fine. I only cry when you're not looking. Hide my heart until it's full of burning love. It's only love. used to spend the night in smoke, not in the clouds. But you keep your eyes open at night. You keep your eyes open at night. As you fling in the dirt and in the crowd. Keep yourself unconscious now. You keep yourself unconscious now. And you shut down all the curtains when the sun shines. On continue avec les places 27, 26 et 25, où l'on retrouve Chai Cat avec Graves, le Super Omar d'Avignon avec Dry Salt in Our Hair, et les Anglais de Slow Dive pour leur grand retour avec Don't Know Why. Oh, À la 24e et 23e place se placent les Mysterons d'Amsterdam avec Sold My Medicine et les Chromatics de Portland aux USA avec Shadow. My games. Pour terminer cette troisième partie du Top 50 2017, nous écoutons les Londoniens de Jane Gar avec Carry On à la 22e place et la Californienne Hazel English avec Fix à la 21e place. darker than you were. Carry on, but not the more. We're all on a trip I'd never pursue. Redefine what was mine, and I'll be out wondering how we got through. Je vous retrouve demain à la même heure pour la suite du Top 50 2017. Salut !